Combien de fois j'ai rappé toute la night. Je vois des frères partir après avoir braqué pour la maille. Un temps plus vieux, j'ai rêvé d'un monde plus beau. Mourir heureux pour moi, c'est crever dans mon studio. Combien de fois j'ai entendu t'es pas studieux. Lâche une feuille du tabac et passe du feu, frère. Quelques lignes pour te dire en quelque sorte. Quand la rage est en toi, il faut bien qu'elle ressorte, ok. Combien de fois ma vie aurait pu basculer. Quand t'avances assez vite, frère, tu peux pas reculer. Combien de fois j'ai, combien de fois je. À chaque fois que j'ai foiré, je l'ai fait avec un ouin. Je voulais voyager, la vie n'est pas un jeu. Un sage de poète est un homme, et un homme assis n'est pas un singe. À ras du mur et l'alcool me tue le foie. T'imagines pas le futur, ouais mais c'est ça comme que tu le vois. Combien de fois tu t'es mis à ma place. Quand ça va pas, je me délivre à ma page. Si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile. Combien de fois tu t'es mis à ma place. Quand ça va pas, je me délivre à ma page. Si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile. Combien de fois je me suis promené avec un dard dans la rue. Le soir je pense aux proches en regardant la lune, ouais. On tue des pages, t'imagines pas ce qu'on fera pour la weed. Je te raconte ma vie et puis je pleure à toute la nuit. Je réfléchis trop, en fait j'ai des rimes en tête. Même sans beat dans mon coin, j'écris des lignes en scred. Honor dealer, ah ouais, je pose vite là du calme. Nous on a rien pas commun, sportif qu'a du cash. J'ai plus de sentiments communs, petit homme sans cœur. La journée j'écris des pages, donc moi la nuit je me sens seul. Je drippe la rime et je fais des feintes en douce. Je veux finir ma vie avec un joint en bouche. J'ai planqué mon arme et l'argent dans le tiroir. J'ai pu constater ma peine en me regardant dans le miroir. La vie nous maltraite, un coup de cœur nous tue. Tu me retrouves sur MySpace en Google YouTube. Combien de fois tu t'es mis à ma place. Quand ça va pas, je me délivre à ma page. Si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile. Combien de fois tu t'es mis à ma place. Quand ça va pas, je me délivre à ma page. Si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile. Si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile. C'est pas si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile. Combien de fois tu t'es mis à ma place. Quand ça va pas, je me délivre à ma page. Si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile. Combien de fois tu t'es mis à ma place. Quand ça va pas, je me délivre à ma page. Si tu kiffes pas ma zik, j'ai menti à mon psy pour pas finir à l'asile.